Delphes Blanc, numéro 2. Compréhension orale. Exercice 1. Mesdames, messieurs, le magasin Vidéofolie a 25 ans aujourd'hui. Pour cet anniversaire, nous vous proposons des réductions de 20% sur les ordinateurs, 30% sur les jeux vidéo et 40% sur les DVD. Nous organisons aussi un concours. Le prix à gagner est une télévision à écran plat. Pour participer, inscrivez-vous sur notre site internet www.videofolie.fr. Vous pouvez participer jusqu'à dimanche prochain. Vous devrez donner votre nom et votre adresse électronique. Bonne chance !